passé dans la cheminée et t'as pas pu t'attirer. Le matin quand je me suis levé, y avait rien dans mes souliers. J'ai vu tes reines m'agarrer et les flics qui les verbalisaient. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi tu ne m'avais rien apporté. Je t'ai tiré là tout couvert de suie, t'as pu finir ta tournée. Petit Papa Noël, quand t'es descendu du ciel, tu t'es coincé dans la cheminée et t'as pas pu te tirer. La fourrière